La planète vibre de son bleu. Le monde a chaud sous les cieux. Et on étouffe le soleil. Nous repousse la mer, nous attire, nos instants nous guident. Alors viens prendre ton gibier, ma belle. Alors bon sang, viens prendre ton gibier, ma belle. Alors viens prendre ton gibier, ma belle. Car moi j'ai peur de toi. Car moi j'ai peur de toi. Et sache que je ne viendrai pas vers toi. Et sache que moi je suis une proie. Alors c'est un peu normal, car t'es un vrai chasseur et tu lances de bons éclairs. Et moi, je reste par terre. Alors, viens prendre ton gibier, ma belle. Alors, s'il te plaît, viens prendre ton gibier, ma belle. Alors viens prendre ton gibier, ma belle. Car moi j'ai peur de toi. Car moi j'ai peur de toi. Et que c'est pour ça qu'on se parle pas. Et que c'est pour ça regarde mon bras. Oh, ça fait longtemps que la foudre est tombée. Et depuis, je ne puis te parler. Tout était dans ce salon d'été. Stupide salle à manger. Alors viens prendre ton gibier, ma belle. Alors s'il te plaît, bon sang, viens prendre ton gibier, ma belle. Alors viens prendre ton gibier, ma belle. Car moi j'ai peur de toi. Car moi j'ai peur de toi. Car moi, je ne viendrai pas. Malgré ça, je veux être ta proie.